Par-delà les flux numériques des ondes inaudibles, il existe un champ magnétique hors ligne, un rhizome qui se déploie de main à main dans les souterrains de la pensée postmoderne. Ceci n'est pas une défaillance de votre récepteur. Ailleurs, le temps passe, l'espace se contracte frénétiquement. Ici, les rouages mécaniques se frottent aux modulations de fréquence, les bandes se déroulent et se déploient sur les ondes, elles crépitent, elles se froissent, elles s'entremêlent et passent à travers l'immatériel. As fitas cassette são registradas no computador e enviadas pela internet. Cosmic Cassette, mit einem Rundfunkbänder gemischt. Émission de Cosmic Cassette spécial enregistrement à Bruxelles en deux temps avec Eric Kinney et Eric Kinney de Santé Loisirs du fameux label. Voilà, nous sommes dans sa cave face aux platines cassettes et voilà, parti pour une première demi-heure de musique et de pop et de rock, c'est ça, Eric? Ouais. En gros, ta sélection. Ouais, en gros, ce sera ça. Ok, et qu'est-ce que. Ouais, merci Yann, merci Cosmic Asset. Merci Eric de m'accueillir et de m'accueillir dans ton lit ce soir. Alors là, on a commencé avec un super morceau de Zach Phillips qui parlait de la motocross sur un label que je recommande beaucoup qui s'appelle Truly Bald. Voilà. D'accord, ah ouais, c'est pas sorti sur le label de Zach Phillips. Non, c'était sur pas OSR. Son label, mais il y aura du OSR plus tard encore. Mais voilà, et là on va enchaîner avec une cassette que je suis très content d'avoir sorti, que je viens de sortir, de un super type qui officie sous le nom de Pont-à-Mousson et qui enregistre des super albums de rock. Je crois que ça doit être son troisième là, mais c'est le premier pour la première phase sortie. Ah ouais, les autres, ouais, c'est ouais. Sa première sortie physique. Ouais, sa première cassette. Sortie physique. Et C'est un mec de Bruxelles, lui, c'est ça? C'est un mec de Tours, qui est à Paris en ce moment. Ok. Et voilà, vraiment un chouette type qui enregistre tous les instruments lui-même dans sa chambre. Et voilà, et là on va enchaîner avec une chanson qui s'appelle Come Over Baby. I discovered rock and roll a few years ago down Ohio. I met the devil there and he told me what follows. If you really, really wanna me, baby. If you really, really wanna rock with me, call me, baby. Back to home, I started to play guitar on a sofa. I could remember the devil's voice speaking in my head. If you really, really wanna rock with me, add some drums, baby. If you really, really wanna rock with me, add some drums, baby. So I broke my synthesizer on my rock beat. And I played the beat line the devil's taught me. If you really, really wanna rock with me, call her baby. If you really, really wanna rock with me, call her baby. As I was quite happy at what we had done together, I took my phone and called to sing a song to you. And I heard through the phone it made you smile, so I told you. If you really, really wanna rock with me, come over, baby. Come on, baby. Come on, baby. Ok, alors c'était un super morceau de Capello, un groupe bruxellois qui vient de sortir son premier album, mais pas mal avec une demi-phase de vieux morceaux, et là c'était à mon goût leur meilleur morceau, leur hit, qui s'appelle Triton. Et voilà, et juste avant ça, c'était un morceau de Sam Gascan qui s'appelle It's So Nice to Get Stoned. Ça c'est un truc de quel coin? Ça c'est un truc de d'américain. Ouais. Ok. De Northampton. Ouais, chouette morceau. C'est Ok. Et c'est sorti sur quel label? Sam Gascan. C'est sorti sur Crash Cymbals. Ok. Moi je connais pas. Cool. Je connais pas trop le label, mais peut-être que c'était vraiment bien. Je recommande. Ok, Eric. Qu'est-ce que tu nous proposes en suivant? Ensuite, pour enchaîner un peu électroniquement parlant. Restons dans l'ambiance disco. Ouais. Un autre morceau de Zach Phillips, mais un peu plus vieux celui-là, je crois qu'il date de 2012. C'est une cassette assez chouette. Elle est écrite de manière assez protocolaire, où il a transcrit un alphabet en notes de musique, quelque chose comme ça. Et ouais, au milieu de la cassette, il y a une reprise de Johnny Ray and the Four Lads qui s'appelle Cry. Et je connais pas l'original, mais ça m'a l'air d'être un truc sorti des années 50, 60, un genre de hit qui est là repris d'une bonne manière avec un synthé bien, bien actuel. Ok, on va voir ça. Voilà. Alors, c'est parti. Thank you. Yes, c'était vraiment super, cette petite enchaînement. Ouais. C'était quoi Alors, c'était un enchaînement très assez brut, mais ouais, on est passé de ce beau clavecin de, assez cheesy de Zach Phillips à, au clavecin de... Attends, j'ai dit clavecin au départ ? T'as dit clavecin, ouais, t'as dit deux fois le mot clavecin. Non, alors, on est passé de super synthé cheesy avec, avec des belles notes rondes à ce beau clavecin de MacLeod Zeek News. Ah oui, ça c'est MacLeod Zeek News. Ouais. Donc c'est toi qui as sorti ça. Voilà, encore une minute autopromotion. T'as droit à 3 minutes d'autopromotion. Voilà. J'ai sorti, en même temps que l'autre cassette d'avant, j'ai sorti cette fabuleuse cassette de MacLeod qui est une petite perle d'enchaînement de courts morceaux au clavecin et de courts morceaux à la flûte avec. Et... C'est voilà. Un peu le titre en plus de la cassette, c'est voilà. Ça c'est en allemand, je sais pas, c'est en quoi? C'est en néerlandais. Ah ouais, ouais logique. Je vais faire la traduction et en gros ça veut dire quelque chose comme le clavier mal tempéré et flûte faible. Et, voilà, mais dis-le en néerlandais, avec ton bel accent. Et slecht getempert klavier en zwakke blockflöten. Voilà, c'est écrit dans une belle typo... Une belle typo gothique. Gothique, mais ouais, gothique un peu libéré, quoi. Ouais. Je vois qu'il y a des petits ronds, enfin bon bref, on va pas gothique, faire... gothique d'affond, un peu. Gothique d'affond, ouais, ouais. Bien. Bon, une belle cassette, en tout cas, elle est bien jolie, j'aime bien ce qu'il y a dessus, pour l'avoir écouté sur Internet. Ouais. Et du coup, ok. Voilà, et... Et tu vas nous mettre quoi alors en suivant ? En suivant, c'est... La cassette est déjà en position départ. Position départ. C'est un groupe qui s'appelle Gepetto Solutions. Et c'est le nouveau groupe de CE Chanelier Topical, pour les gens qui connaissent. Parce que... Donc le groupe de Zach Phillips, notamment. Encore, notamment. Ouais, c'est... Tu l'aimes beaucoup lui. J'ai un peu... ouais. Ouais, j'ai peut-être un peu abusé avec Zach Phillips sur cette émission, mais... Non, c'est bien. C'est le dernier, je crois que c'est, ouais, c'est la dernière intervention de Zach Phillips. ok, ben. Pas de malaise. Gepetto Solutions. Et ben, on va lancer cette belle cassette. Ok. Thank you. Dance floor, you know my head. me rends compte que j'aurais dû commencer l'émission par ce hit pour que tout le monde reste vraiment accroché à l'émission. Ouais, je sais pas. Mais, c'est pas grave, ça nous met en appétit pour la prochaine demi-heure. Ouais, bah, j'espère que vous écoutez encore et que vous avez apprécié ce joli morceau par Andrea Schiavelli. Un américain qui a sorti cette super cassette sur OSR. Qui s'appelle Souls of Fire. Souls on Fire. Et, ah ouais, on Fire. C'est qu'une compilation de démos qu'il a enregistrées, mais c'est vraiment des chansons qui tiennent comme ça. Avec, ce sont des singles, quoi, des hits. Ouais, avec leur côté démo, ouais, ça. Ça ouais. C'est pas un problème, quoi, ça tient tout seul. Ouais, c'est clair. Et juste avant ça, une chanson oui, pour Debbie de R. Stevie Moore, un américain qui, pareil, enregistre tout chez lui à la maison depuis très longtemps. Et je sais pas de quand il date ce morceau, mais c'est un peu un mélange de morceaux récents et un mélange de vieux morceaux, cette cassette, sur le label OMA 333. Je crois que c'est un label de Copenhague. Ok. Et voilà. Et ouais. Merci. Merci à ces labels qui sortent des trucs outre-Atlantique en Europe. C'est toujours appréciable. Ouais. Et en parlant d'Europe, on va finir par un morceau. Enfin, finir cette première demi-heure, bien sûr. une super reprise d'un morceau de Last Ketchup, mais repris par. Par ce génial type qui s'appelle Porest, qui a joué à Bruxelles il y a pas longtemps et qui fait des super hits en mélangeant textes politiques et tourisme et ouais, plein de choses. Et je recommande grandement cette cassette sortie sur un label égyptien qui s'appelle Nazashphone. Putain, c'est trop intriguant ce que tu dis. Voilà. Et, un label égyptien, ouais, cool. Nazashphone. Ouais. C'est ça que t'as dit. Nazashphone. Ouais, belle cassette aussi. Voilà. Voilà. Sorti sur la cassette qui s'appelle Modern Journal of Popular Savagery. Voilà. Ok. Une cassette avec un avion en couverture. Ok. Et du sang. Et du sang. voilà. Bon présage. Si vous aimez le tourisme, c'est pour vous. Yes. Bon, bah, à plus alors, Eric. Et ouais. À plus pour la deuxième partie de l'émission. Ouais, à plus dans le bus. Harvesting your organs just to feed the jaded organs. Get the ketchup and we'll call it nutrition. Now we're celebrating something on a mountain made of meat. And our legs are disconnected from our torsos. If you're promising the glory to the peasants and the quarries, and they'll offer their allegiance even more so. Even more so, even more so, even more so. Hey, no, no. Don't mean to say you're sorry when you go on that safari and you colonize the people you meet. I think when you erase their history, it's not your genocidal retreat. Hey, no, no. Are we in the golden days, or is it just a passing phase when everybody's feeling complete? Tell me when you sell the land, now the people understand. Can we have the operation? You can breathe the chloroform and make him watch a chicken horn. And this is what we call a vacation. So you built a private army with a sloppy fantasy. I'm manly up, but I was shaking with the music. And the people ate tomatoes and contracted diarrhea. And the remedies are getting too confusing. Now we're losing, now we're losing, now we're losing. Hey, no, no. Don't need to say you're sorry when you go on as a glory. And you colonize the people you meet. Hey, no. We'll need your sympathy when you've erased the history. It's not your genocidal retreat. Hey, no, no. Are we in the golden days, or is it just a passing phase when everybody's feeling complete? Japan. Cosmic cassette, cosmic cassette. The wave moves forward, but the medium, or carrier of the wave, only vibrates around an equilibrium position. Cosmic cassette. Et mesdames et messieurs, nous allons également tout à l'heure passer avec les articles hors taxes vendus sur ce mode. Nous avons une sélection de parfums, produits cosmétiques et autres accessoires à des prix très intéressants et avantageux. Ceux-ci sont mentionnés dans notre Twin Flight Shop Magazine qui est dans la pochette du siège devant vous. Les pages valables aujourd'hui sont indiquées de la ligne bleue. Prenez le temps de feuilleter le magazine, vous y trouverez certainement des promotions intéressantes. Avez-vous des questions concernant un des produits à bord? N'hésitez pas à demander à l'équipage quand il passe auprès de vous. Également, après la vente qui diffuse les l'éclairage en cabine sera diminué, ainsi vous pouvez le reposer. Si vous désirez le reposer, c'est bien de vérifier que votre ceinture soit bien attachée. Sinon, nous devons vous réveiller en cas de turbulence imprévue pendant notre vol. Également, nous demandons de ne pas faire la file auprès des toilettes. Merci bien. Ladies and gentlemen, can we all pause here for a moment? CQ, CQ, CQ. W9GFO. Is anybody out there? Cosmic cassette. All aboard! All aboard! Clear the track! Here I go! Hi you, tape listeners! I had my ticket to exit the vortex, to come back to the cave, XL Bruxelles with Mr. Eric Kinney to conclude his broadcast. Il nous reste quelques minutes ensemble. Salut Eric, tu nous passes quoi ce matin? Yo Ryan, ok, on va commencer avec un petit B-52 et ensuite, je vais pas tout décrire, mais il y a une mystérieuse cassette que j'ai trouvée en Islande au fond, vraiment au fond d'un tas. C'est ouais, l'archétype même de la cassette du fond des magasins perdus, manifestement de la folk chrétienne. Et bon bah, j'espère que ça va pas être trop dégueu, on va commencer. Vas-y, je t'en prie. Ok, play. Thank you. De Jésus. Ouais, je pense que c'est un verset de la Bible, mais je suis un peu mauvais en islandais. Alors... tu saurais pas prononcer le titre de cette chanson ? Pas trop. Et t'as dit le nom du groupe ? Le groupe, alors, je suis pas sûr de la prononciation, mais ça doit s'appeler Ungsfolk met Gluverk. Cool. Quelque chose comme ça. T'avais trouvé ça genre à Reykjavik ? Ouais, dans okay. Un magasin de disques à Reykjavik qui avait que des vinyles et peut-être deux piles de cassettes, et c'était vraiment la cassette tout en dessous, quoi. Ouais, celle du fond. Et elle était assez intrigante, ouais. La photo, c'est une dizaine de personnes sur une colline en train de chanter à tue-tête avec des guitares. Ils sont beaux. et un beau ciel bleu derrière. Ouais, limite aurore boréale. Ouais. Et du coup, le premier morceau là, des B-52, c'était Mésopotamia, l'album, et le morceau c'était quoi ? C'était Loveland. Ok. Et maintenant, on va enchaîner avec une cassette sortie sur le label Single Girl, Married Girl, un label de Philadelphie, je crois, que j'ai chopé il y a un an, qui est vraiment chouette. Et le groupe s'appelle Your Children is Beautiful, et la chanson, c'est Lightning Bug. Okay. Et ensuite, on se quittera avec un dernier morceau. Avec un dernier morceau des Beatles et pas n'importe lequel. Ok. Surprise. Next 10 years.

try the game yourself. Oh, yeah.